La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je te parle de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement ! Ici Hubert Félix Typhon, vous écoutez Radio Bronco. C'est à moi. Je suis Marraine la Bonne Fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, c'est lundi, quatrième jour du mois de mai. Le joli mai. Mais qu'a-t-il de joli sans bouquet de muguet ? Le joli mai, confiné, entravé. C'est difficile d'écrire notre chronique d'un été. Que reste-t-il alors du cinéma vérité ? Mais c'est le mois des révoltes, des revendications. Mais en ce mois de mai-là, restent beaucoup de questions. Mais où est donc Ornicard ? Ornicard, on s'en fout. Moi, je cherche Babacar. Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a sûrement beaucoup à dire sur ce mois de mai si particulier. Bonjour Fanny Ardant. Tu m'emmerdes. Oh yeah. Bon allez, trêve de trapenardise et de cynisme ardent. Mais comme ma pensée erre en ces temps de confinement, je vais partir là-dessus. Au cinéma, l'errance est un thème clé. Et lorsque c'est une femme qui en est au centre, d'autres émotions sont appelées. Et le monde comme décor devient lui-même une menace. Alors cap sur trois films dont les héroïnes errantes frappent et marquent. L'avoine. En numéro 1, je voudrais vous parler de Mad Love in New York, Heaven Knows What en anglais, des frères Safdie. Réalisé en 2014, le film met en scène une SDF héroïnomane prête à commettre le pire par amour pour un homme, lui-même junkie. Cette histoire, c'est celle d'Ariel Holmes, l'actrice principale du film, qui joue ici son propre rôle. Découverte par les frères Safdie un peu auparavant, elle leur raconte son expérience avec le crack qui a commencé pour elle à l'âge de 12 ans, puis sa descente aux enfers à 17 ans lorsqu'elle tombe dans l'héroïne avec son copain et vit dehors pendant quelques années. Touchés par son histoire, Ben et Josh Safdie lui demandent d'écrire ses mémoires, qui a servi de base au film. On la suit alors dans les rues de New York, affrontant chaque jour comme une épreuve, un film sur la quête de sens dans un monde trop violent, mais aussi sur l'émancipation, le tout sur une bande originale tantôt punk, tantôt planante, dont certaines tracks sont signées par le grand Ariel Pink. Numéro 2, direction les Pays-Bas, Zurich de Sacha Polak. Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir récemment sur Arte. Ce film de 2015 nous plonge dans la peau du personnage de Nina, campé par la chanteuse néerlandaise Wende. Après le drame de sa vie, on suit Nina à travers un parcours nord-européen, à bord de camions de routiers, sur la route d'une reconstruction de soi. Mais Nina est perdue. Ses réminiscences la renferment sur elle-même comme une coquille qui renferme un terrible secret. On le comprend au cours de la deuxième partie du film, qui s'intitule Partie 1, ingénieuse astuce de montage qui permet en même temps que le personnage de dérouler le film de sa vie. Encore une fois, un très beau film, mais attention, c'est triste. numéro 3, je vais finir sur un film incroyable qui relève du génie ou de la folie. Victoria de Sebastian Schipper, sorti en 2015 également, on reste en Europe, mais cette fois en Allemagne, dans les rues de Berlin. Pendant 2h18, on suit Victoria, jeune espagnole fraîchement débarquée en ville, qui, à la sortie d'une boîte de nuit, fait la connaissance d'une bande de garçons avec qui elle continue sa soirée. On suit, littéralement, pendant 2h18, littéralement aussi. Le film a cet exploit de n'être tourné qu'en une seule séquence, offrant alors au spectateur une incroyable expérience du temps. Au-delà de la performance, l'histoire est immersive, prenante, intense. Deux dernières heures d'une fin de soirée avant que l'aube ne pointe le bout de son nez, sur fond de fête, de virée nocturne qui forcément laisse place à tous les scénarios possibles. Le réalisateur s'appuie sur sa totale maîtrise des codes de la peur au cinéma, doublée par des comportements que l'on connaît, pour nous plonger dans une ambiance aussi glaçante qu'excitante, où règne la question « jusqu'où cela va nous mener ?» Bref, libérez vos prochaines 2h18 de confinement à vivre l'expérience Victoria. En plus, la musique, c'est Nils Fram, un autre grand génie. Alors je vous laisse avec ça, parce qu'à la Route du Rock 2018, Nils Fram est passé juste après Ariel Pink, un des plus beaux moments de ma vie. Alors joyeuse vie, bonne errance et bonne Route du Rock. Oh yeah! La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je parle de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement !